Le premier ministre coréen Park Bong-ju a envoyé le 3 mai un message de félicitations à Clément Mwamba, élu premier ministre de la République congolaise. Le dessinateur s'est exprimé certain du développement continu des excellents rapports d'amitié et de coopération entre les deux pays, conformément aux intérêts des peuples de deux pays, et lui a souhaité santé et bonheur, et grand succès dans son travail responsable.